Un mot qu'on emploie beaucoup, vous l'entendrez beaucoup et vous serez appelé à beaucoup l'utiliser vous-même, c'est « aïe ». « Aïe » qui s'écrit « H-A-Y » et qui veut dire « il y a ». Par exemple, pour parler des gens, on dit « gente ». « Gente ». G-E-N-T-E. « Gente ». Et « les gens », c'est « la gente ». C'est un mot féminin en espagnol et qui s'utilise au singulier. Donc, « la gente », les gens. Et « mucha gente », ça voudra dire « beaucoup de gens ». Beaucoup de monde. Alors, comment direz-vous « il y a beaucoup de gens ici » ? Il y a Hay. Hay, hein, il y a, oui, beaucoup de gens. Mucho, mucha gente. Mucha gente, hein, c'est ça. Hay mucha gente ici. Aquí. Hay mucha gente aquí. Il y a beaucoup de gens ou de monde ici. Il n'y a pas de problème, se dira. No. No hay. D'accord. No hay. Problème. Problemo. Problemo, vous êtes sûr? Problema. No hay problema. Il n'y a pas de problème. C'est une expression très courante. Hein? No hay problema. Pas de problème. Une autre expression très courante, dans laquelle on retrouve le mot « hay », c'est une expression pour dire « bonjour » à quelqu'un. Donc, on dit « hola, que hay hein? ?»« Hola, que hay ?»« Hola, H-O-L-A » Ça veut dire « bonjour, salut ». Et « que hay », littéralement « qu'est-ce qu'il y a ?», c'est ce qu'on dit dans la langue courante pour demander à quelqu'un « comment ça va ?»« Que hay ?»